super machula. I didn't be seki munda chula. Chula, chula, chula, chula. Chula, chula, chula, chula. Meme ngandu, ngandu lula mai ngandu. Mai ka supu mangandu. I didn't be seki munda ngandu. Ngandu, ngandu, ngandu, ngandu. Ngandu, ngandu, ngandu, ngandu. Chez la rivière, nous voulons attraper du poisson. Tape de pied, maître crap, on ne t'arrête pas. Mémé chula, chulula, maï chula, maï kasupu ma chula. Adine bise ki munda chula, chula, chula, chula, chula, chula, chula, chula, chula. Chez la rivière, nous voulons attraper du poisson. Tape de pied, maître canard ne t'arrête pas. Même chula, chulula, maï chula, maï kasupu ma chula. Adine bise ki munda chula, chula, chula, chula, chula.